Chapitre 7 de Le crime d'Orcival par Émile Gaborio. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 7. Le juge d'instruction, le père Planta et le docteur échangèrent un regard plein d'anxiété. Quel malheur frappait M. Courtois! Cet homme si parfaitement estimable et si excellent en dépit de ses défauts, était-ce donc décidément une journée maudite? Si la ripaille s'en est tenue aux allusions, dit M. Lecoq, j'ai entendu raconter, moi qui ne suis ici que depuis quelques heures, deux histoires très circonstanciées. Il paraît que cette demoiselle Laurence, le père Planta, interrompit brusquement l'agent de la sûreté. Calomnie ! S'écria-t-il. Calomnie odieuse ! Le petit monde qui jalouse les riches ne se gêne pas pour les déchirer à belles dents, faute de mieux. L'ignorez-vous donc ? Est-ce qu'il n'en a pas toujours été ainsi ? Le bourgeois, dans les petites villes surtout, vit sans s'en douter, comme dans une cage de verre. Nuit et jour, les yeux de l'un de ceux de l'envie braqués sur lui l'observent, l'épient, surprennent celles de ses démarches qu'il croit les plus secrètes pour s'en armer contre lui. Il va, content et fier, ses affaires prospèrent, il a l'estime et l'amitié de ceux de sa condition, et pendant ce temps, il est vilipendé dans les classes inférieures, traîné dans la boue, sali par les plus injurieuses suppositions. Est-ce que l'envie respecte quelque chose ? Si Mademoiselle Laurence a été calomniée, fit en souriant le docteur Gendron, au moins a-t-elle trouvé un bon avocat pour défendre sa cause. Le vieux juge de paix, l'homme de bronze, comme dit M. Courtois, rougit imperceptiblement, un peu embarrassé de sa vivacité. Il est des causes, reprit-il doucement, qui se défendent seules. Mademoiselle Courtois est une de ces jeunes filles qui ont droit à tous les respects. Mais il est de ces abominations qu'aucune législation ne saurait atteindre et qui me révoltent. Il faut songer, messieurs, que notre réputation, l'honneur de nos femmes et de nos filles, sont à la merci du premier gredin doué d'assez d'imaginative pour inventer une abomination. On ne le croira peut-être pas, peu importe. On répétera sa calomnie, on la propagera, qui faire ? Pouvons-nous savoir ce qui se dit contre nous, en bas, dans l'ombre ? Le saurons-nous jamais ? Eh, répliqua le docteur Gendron, que nous importe ? Il n'est pour moi qu'une voie respectable, celle de la conscience. Quant à ce qu'on appelle l'opinion publique, comme c'est en réalité la somme des opinions particulières de milliers d'imbéciles et de méchants, je m'en moque, comme de l'an 40. La discussion se serait peut-être prolongée sans le juge d'instruction qui, ayant tiré sa montre, fit un geste de dépit. « Nous causons, dit-il, nous parlons et leur marche, il faut nous hâter. Partageons-nous au moins la besogne qui reste. » Le ton impérieux de M. Domini glaça sur les lèvres de M. Lecoq quelques réflexions dont il attendait le placement. Il fut alors convenu que, pendant que le docteur Gendron procéderait à l'autopsie, le juge d'instruction rédigerait son projet de rapport. Le père Planta restait chargé de surveiller la suite des investigations de l'homme de la préfecture de police. Dès que l'agent de la sûreté se trouva seul avec le vieux juge de paix, « Enfin, dit-il en respirant longuement, comme s'il eût été soulagé d'une lourde oppression, enfin, nous allons pouvoir marcher maintenant. » Et comme le père Planta souriait un peu, il goba un carré de pâte et ajouta « Arriver quand une instruction est commencée est déplorable, monsieur le juge de paix, tout à fait déplorable. Les gens qui vous ont précédé ont eu le temps de se faire un système, et si vous ne l'adoptez pas d'emblée, c'est le diable. » On entendit dans l'escalier la voix de M. Domini appelant son greffier qui, arrivé un peu après lui, était resté au rez-de-chaussée. « Tenez, monsieur, ajouta l'agent, voici monsieur le juge d'instruction qui se croit en face d'une affaire toute simple, tandis que moi, monsieur Lecoq, l'égal au moins de ce drôle de Gévrol, moi, l'élève chéri du père Tabaret, il ôta respectueusement son chapeau, je n'y vois pas encore clair. » Il s'arrêta, récapitulant sans doute le résultat de ses perquisitions, et reprit. « Non, vrai, je suis dérouté, je m'y perds presque. Je devine bien sous tout ceci quelque chose, mais quoi, quoi ?» La figure du père Planta restait calme, mais son œil étincelait. « Peut-être avez-vous raison, approuva-t-il d'un air détaché. Peut-être, en effet, y a-t-il quelque chose. » L'agent de la sûreté le regarda. Il ne bougea pas. Il continuait à offrir la physionomie la plus indifférente du monde, tout en relevant quelques notes sur son carnet. Il y eut un assez long silence. Et M. Lecoq en profita pour confier au portrait les réflexions qui lui battaient la cervelle. « Vois-tu bien, chère mignonne, disait-il, ce digne monsieur m'a l'air d'un vieux finaud, dont il faut surveiller attentivement les faits et gestes. Il ne partage pas, il s'en faut, les opinions du juge d'instruction. Il a une idée qu'il n'ose nous dire, et nous la trouverons. Il est malin, ce juge de paix de campagne. Du premier coup, il nous a devinés, malgré nos jolis cheveux blonds. Tant qu'il a pu croire que, nous égarant, nous prendrions les brisées de M. Domini, il nous a suivis, nous appuyant, nous montrant la voie. Maintenant qu'il sent que nous tenons la piste, il se croise les bras, il se retire. Il veut nous laisser l'honneur de la découverte. Pourquoi ? Il est d'ici ? A-t-il peur de se faire des ennemis ? Non. C'est un de ces hommes qui ne craignent pas grand-chose. Quoi donc ? Il recule devant sa pensée. Il a trouvé quelque chose de si surprenant qu'il n'ose expliquer. Une subite réflexion changea le cours des confidences de M. Lecoq. « Mille diables ! » pensait-il. « Et si je me trompais ? Si ce bonhomme n'était pas fin du tout ? S'il n'avait rien découvert ? S'il n'obéissait qu'à des inspirations du hasard ? On a vu des choses plus surprenantes. J'en ai tant connu de ces gens dont les yeux sont comme les pitres des baraques. Ils annoncent qu'à l'intérieur, on contemple des merveilles. On entre et on ne voit rien, on est volé. Mais moi, il eut un sourire, je vais bien savoir à quoi m'en tenir. Et prenant l'air le plus niais de son répertoire. « Ce qui reste à faire, monsieur le juge de paix, dit-il tout haut, est, en y réfléchissant bien, assez peu de choses. On tient les deux principaux coupables, en définitive. Et quand ils se décideront à parler, ce qui arrivera tôt ou tard, si monsieur le juge d'instruction le veut, on saura tout. » Un seau d'eau glacée, tombant sur la tête du père Planta, ne l'eut pas plus surpris. Ne l'eut pas surtout surpris plus désagréablement. « Comment ? » balbutia-t-il d'un air absolument abasourdi. « C'est vous, monsieur l'agent de sûreté ? Un homme habile, expérimenté, qui ?» Ravi de la réussite de sa ruse, monsieur Lecoq ne put tenir son sérieux. Et le père Planta, qui s'aperçut qu'il était tombé dans un piège, se prit à rire franchement. Entre ces deux hommes savants dans la science de la vie, d'un esprit également subtil et délié, pas un mot d'ailleurs ne fut échangé. Ils s'entendaient, ils se comprenaient. « Toi, mon bonhomme ?» se disait l'agent de la sûreté, « tu as quelque chose dans ton sac. Seulement c'est si énorme, si monstrueux, que tu ne l'exhiberais pas pour un boulet de canon. Tu veux qu'on te force la main ? On te la forcera. » « Il est futé, pensait le père Planta. Il sait que j'ai une idée. Il la cherchera, et certainement il la trouvera. » Monsieur Lecoq avait remis dans sa poche la bonbonnière à portrait, ainsi qu'il fait quand il travaille sérieusement. Son amour-propre d'élève du père Tabaret était émoustillé. Il joua une partie, et il est joueur. « Donc, s'écria-t-il, à cheval, et rendez la main. On a, dit le procès-verbal de M. le maire d'Orcival, trouvé l'instrument avec lequel on a tout brisé ici. Nous avons retrouvé, répondit le père Planta, dans une chambre du second étage, donnant sur le jardin, une hache par terre, devant un meuble attaqué légèrement, mais non ouvert. J'ai empêché qu'on y touchât. Eh bien, vous avez fait, monsieur. Est-elle lourde, cette hache ? Elle doit bien peser un kilo. « C'est parfait, montons la voir. » Ils montèrent, et M. Lecoq, aussitôt, oubliant son rôle de mercier soigneux de ses vêtements, se coucha à plat ventre, étudiant alternativement et la hache, une arme terrible, pesante, emmanchée de frêne, et le parquet luisant et bien ciré. « Je suppose, moi, observa le juge de paix, que les malfaiteurs ont monté cette hache et ont attaqué ce meuble dans le seul but d'éparpiller les suppositions de l'enquête, pour compliquer le problème. » Cette arme n'était certes pas nécessaire pour enfoncer cette armoire, qui ne tient à rien, que je briserai avec mon poing. Ils ont donné un coup, un seul, et posé la hache, tranquillement. L'agent de la sûreté s'était relevé et s'époustait. « Je crois, monsieur, dit-il, que vous vous trompez. Cette hache n'a pas été posée tranquillement à terre. Elle a été jetée avec une violence qui décèle un grand effroi ou une vive colère. Tenez, voyez ici sur le parquet ces trois marques qui se suivent. Lorsque le malfaiteur a lancé la hache, elle est tombée d'abord sur le tranchant, de là cette entaille. Puis elle est retombée sur le côté, et l'envers, qui est un marteau, a laissé cette trace, tenez, ici, sous mon doigt. Enfin, elle était lancée avec tant de vigueur qu'elle a fait un tour sur elle-même et qu'elle est venue de nouveau entailler le parquet, là, à l'endroit où elle est maintenant. « C'est juste, » murmura le père Planta, « c'est très juste. » Et les observations de l'agent, dérangeant sans doute son système, il ajoutait d'un air contrarié. « Je n'y comprends rien, rien du tout. » Monsieur Lecoq poursuivait cette observation. « Les fenêtres, qui sont maintenant ouvertes, demanda-t-il, l'étaient-elles ce matin, lors des premières perquisitions ?»« Oui. » »« Alors, c'est bien cela. Les assassins ont entendu un bruit quelconque dans le jardin et ils sont allés regarder. Qu'ont-ils vu, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est ce qu'ils ont vu les a épouvantés, qu'ils ont jeté la hache précipitamment et se sont enfuis. Examinez la position des entailles. Faites en bien naturellement. Et vous verrez que la hache a été lancée par une personne qui se tenait, non pas près du meuble, mais près de la fenêtre ouverte. À son tour, le père Planta s'agenouilla, regardant avec une attention extrême. L'agent disait vrai. Il se redressa, un peu interdit, et après un moment de méditation. « Cette circonstance me gêne un peu, dit-il. Cependant, à la rigueur... » Il s'arrêta, immobile, songeur, une de ses mains appuyée sur son front. « Tout peut encore s'expliquer, murmura-t-il, ajustant mentalement les diverses pièces de son système. Et en ce cas, l'heure indiquée par la pendule serait la vraie. » Monsieur Lecoq ne songeait pas à interroger le vieux juge de paix. D'abord, il savait bien qu'il ne répondrait pas. Puis, sa vanité était engagée. Comment, lui, il ne devinerait pas une énigme déchiffrée par un autre ? « Moi aussi, » fit-il, monologuant à haute et intelligible voix. « Cette circonstance de la hache me dérange. Je supposais que les brigands avaient opéré à loisir. Et pas du tout. Je découvre qu'ils ont été surpris, qu'on les a troublés, qu'ils ont eu peur. » Le père Planta était tout oreille. « Il est vrai, » poursuivit lentement M. Lecoq, « que nous devons diviser les indices en deux catégories. Il y a les indices laissés à dessein pour nous tromper. Le lit des faits, par exemple. Puis les indices involontaires. » Soit les entailles de cette hache. Mais ici, j'hésite. L'indication de la hache est-elle vraie ou fausse, bonne ou mauvaise? Je me croyais sûr du caractère des assassins, et alors l'enquête allait de soi. Tandis que maintenant, il s'interrompit. Les plis de son front, la contraction de sa bouche, trahissaient l'effort de sa pensée. Tandis que maintenant, interrogea le père Planta, Monsieur Lecoq, à cette question, eut l'air étonné d'un homme qu'on éveille. « Je vous demande pardon, monsieur, dit-il, je m'oubliais. C'est une habitude déplorable que j'ai comme cela, de réfléchir et de chercher tout haut. Voilà pourquoi je m'obstine presque toujours à opérer seul. Mes incertitudes, mes hésitations, la vacillation de mes soupçons me feraient perdre, si on les entendait, mon prestige de policier devin, d'agent pour lequel il n'est pas de mystère. » Le vieux juge de paix avait un sourire d'indulgence. « D'ordinaire, poursuivit l'homme de la préfecture, je n'ouvre la bouche que lorsque mon siège est fait. Et alors, d'un ton péremptoire, je rends mes oracles, je dis « c'est ceci » ou « c'est cela ». Mais aujourd'hui, j'agis, sans trop me contraindre, devant un homme qui sait qu'on ne résout pas du premier coup un problème aussi compliqué que me semble être celui-ci. Je laisse voir sans vergogne mes tâtonnements. On ne parvient pas à la vérité d'un bond. On y arrive, par une suite de calculs assez compliqués, grâce à une série d'inductions et de déductions qui s'enchaînent. Eh bien, en ce moment, ma logique est en défaut. « Comment cela ?» demanda le père Planta. « Oh, c'est fort simple, monsieur le juge de paix. Je croyais avoir pénétré les assassins, les savoir par cœur, ce qui est capital au début, et je ne reconnais plus les adversaires imaginés. Sont-ils idiots ? Sont-ils extrêmement fins ? J'en suis à me le demander. La ruse du lit et de la pendule m'avait, à ce que je supposais, exactement donné la mesure et la portée de leur intelligence et de leurs inventions. Déduisant du connu à l'inconnu, j'arrivais, par une suite de conséquences très simples à tirer, à prévoir tout ce qu'ils avaient pu imaginer pour détourner notre attention et nous dérouter. Mon point de départ admis, je n'avais, pour tomber juste, qu'à prendre le contre-pied des apparences. Je me disais, on a retrouvé une hache au deuxième étage, donc les assassins l'y ont portée et oubliée à dessein. Ils ont laissé 5 verres sur la table de la salle à manger, donc ils étaient plus ou moins de 5, mais ils n'étaient pas 5. Il y avait sur la table, comme les restes d'un souper, donc ils n'ont ni bu ni mangé. Le cadavre de la comtesse était au bord de l'eau, donc il a été déposé là et non ailleurs, avec préméditation. On a retrouvé un morceau d'étoffe dans les mains de la victime, donc il y a été placé par les meurtriers eux-mêmes. Le corps de Madame de Trémorel est criblé de coups de poignard et affreusement meurtri. Donc elle a été tuée d'un seul coup. « Bravo, oui, bravo !» s'écria le père Planta, visiblement charmé. « Et non, pas bravo !» fit Monsieur Lecoq. « Car ici, mon fil se casse, je rencontre une lacune. Si mes déductions étaient justes, cette hache aurait été remise bien paisiblement sur le parquet. Si, encore une fois, bravo, reprit le père Planta, car cette circonstance est une particularité qui n'affirme en rien notre système général. Il est clair, il est certain, que les assassins ont eu l'intention d'agir comme vous dites. Un événement qui ne prévoyait pas les a dérangés. Peut-être, approuva l'agent de la sûreté à demi-voix, peut-être votre observation était juste. Mais c'est que je vois encore autre chose. Quoi ? Rien pour le moment, du moins. Il est nécessaire avant tout que je voie la salle à manger et le jardin. Monsieur Lecoq et le vieux juge de paix descendirent bien vite. Et le père Planta montra à l'agent les verres et les bouteilles qu'il avait fait mettre de côté. L'homme de la préfecture prit des verres, l'un après l'autre, les portant à la hauteur de son œil, les exposant au jour, étudiant les places humides qui ternissaient le cristal. L'examen terminé, « On n'a bu dans aucun de ces verres », déclara-t-il résolument. « Quoi ? Pas dans un seul ?» L'agent de la sûreté arrêta sur le vieux juge un de ces regards qui font tressaillir la pensée au plus profond repli de l'âme et répondit en mettant un intervalle calculé entre chacun de ces mots « Pas dans un seul ». Le père Plantin ne répondit que par un mouvement de lèvres qui disait clairement « Vous vous avancez peut-être beaucoup ». Monsieur Lecotte sourit et allant ouvrir la porte de la salle à manger, il appela « François ?» Le valet de chambre de feu, monsieur le comte de Trémorel, accourut. La figure de ce brave garçon était décomposée. Fait inouï, bizarre, ce domestique regrettait son maître, il le pleurait. « Écoute-moi bien, mon garçon, » lui dit l'agent de la sûreté, le tutoyant, avec cette familiarité qui caractérise les employés de la rue de Jérusalem. « Écoute-moi bien, et tâche, en me répondant, d'être exact, net et bref. « J'écoute, monsieur. Avait-on l'habitude, au château, de monter du vin à l'avance ?»« Non, monsieur, moi-même, avant chaque repas, je descendais à la cave. » Il n'y avait donc jamais une certaine quantité de bouteilles pleines dans la salle à manger. « Jamais, monsieur. » « Mais il devait quelquefois en rester en vidange. »« Non, monsieur. Feu monsieur le comte m'avait autorisé à emporter pour l'office le vin de la desserte. Et où mettait-on les bouteilles vides ?»« Je les plaçais, monsieur, dans le bas de cette armoire d'encoignure. Et quand il y en avait un certain nombre, je les descendais à la cave. »« Quand en as-tu descendu la dernière fois ?»« Oh !» François parut chercher. « Il y a bien 5 ou 6 jours ?»« Bien. Maintenant, quelle liqueur aimait-on être ?»« Feu monsieur le comte, monsieur. » Et le brave garçon eut une larme, ne buvait presque jamais de liqueur. Quand par hasard il avait envie d'un petit verre d'eau-de-vie, il le prenait dans la cave à liqueur que voici, là, sur le poêle. Il n'y avait donc pas dans les armoires de bouteilles de rhum ou de cognac entamées. Pour ça, non, monsieur. Merci, mon garçon, tu peux te retirer. François allait sortir. Monsieur Lecoq le rappela. Et, lui dit-il d'un ton léger, pendant que nous y sommes, regarde donc dans le bas de l'encoignure si tu retrouves ton compte de bouteilles vides. Le domestique obéit, et l'armoire ouverte s'écria « Tiens, il n'y en a plus une seule !»« Parfait !» reprit monsieur Lecoq. « Cette fois-ci, mon brave, montre-nous tes talons pour tout de bon !» Aussitôt que le valet de chambre fermait la porte. « Eh bien ?» demanda l'agent de la sûreté. « Que pense monsieur le juge de paix ?»« Vous aviez raison, monsieur Lecoq. » L'agent de la sûreté, alors, flaira successivement tous les verres et toutes les bouteilles. « Allons bon !» s'écria-t-il en haussant les épaules. « Encore une preuve nouvelle à l'appui de mes suppositions. »« Quoi encore ?» demanda le vieux juge de paix. « Ce n'est même pas du vin, monsieur, qu'il y a au fond de ces verres. Parmi toutes les bouteilles vides, déposées dans le bas de cette armoire, il s'en trouve une, la voici, ayant contenu du vinaigre. Et c'est de cette bouteille que les assassins ont versé quelques gouttes. » Et saisissant un verre, il le mit sous le nez du père Planta en ajoutant « Que monsieur le juge de paix prenne la peine de sentir. » Il n'y avait pas à discuter. Le vinaigre était bon. Son odeur était des plus fortes. Les malfaiteurs, dans leur précipitation, avaient laissé derrière eux cette preuve irrécusable de leur intention d'égarer l'enquête. Seulement, capables des plus artificieuses combinaisons, ils ignoraient l'art de les mener à bien. Leur malice était, ainsi que l'eût dit le digne M. Courtois, cousu de fil blanc. On pouvait cependant mettre toutes leurs fautes sur le compte d'une précipitation forcée, ou d'un trouble qu'ils ne prévoyaient pas. « Les planchers brûlent les pieds, » disait un policier célèbre, « dans une maison où on vient de commettre un crime. » Monsieur Lecoq, lui, paraissait indigné, exaspéré comme peut l'être un véritable artiste devant l'œuvre grossière, prétentieuse et ridicule de quelque écolier poseur. « Voilà, » grommelait-il, « qui passe à permission. Canaille, canaille ne l'est pas qui veut. Canaille habile, surtout. Encore faut-il l'égalité de l'emploi, mille diables, et tout le monde, Dieu merci, ne les a pas. » « Monsieur Lecoq, monsieur Lecoq !» murmura le vieux juge de paix. « Eh, monsieur, je ne dis rien que de juste. Quand on est candidat à ce point, on devrait bien rester honnête, purement et simplement, c'est si facile. » Alors, perdant toute mesure, tant sa colère paraissait grande, il avala d'un seul coup 5 ou 6 carrés de pâte assortie. « Voyons, voyons !» poursuivait le père Planta, de ce ton paternellement grondeur qu'on prend pour apaiser un enfant qui crie « Ne nous fâchons pas !» Ces gens-ci ont manqué d'adresse, c'est incontestable. Mais songeons qu'ils ne pouvaient, dans leur calcul, faire entrer en ligne de compte l'habileté d'un homme tel que vous. Monsieur Lecoq, qui a la vanité de tous les acteurs, fut sensible au compliment et dissimula assez mal une grimace de satisfaction. Soyons donc indulgents, continua le père Plantin. D'ailleurs, il fit une pause pour donner plus de valeur à ce qu'il allait dire. D'ailleurs, vous n'avez pas encore tout vu. On ne sait jamais quand M. Lecoq joue la comédie. Comment le saurait-on? Il ne le sait pas toujours lui-même. Ce grand artiste, passionné pour son art, s'est exercé à feindre tous les mouvements de l'âme, de même qu'il s'est habitué à porter tous les costumes. Et telle a été la conscience de cette étude, qu'arrivé à une perfection désolante pour la vérité, peut-être, à cette heure, n'a-t-il pas plus de sentiments que de physionomie qui lui soit propre. Il tempêtait fort bien contre les malfaiteurs, il gesticulait, mais il ne cessait d'observer sournoisement le père Plantin, et ses derniers mots lui firent dresser l'oreille. « Fournions donc le reste, » dit-il. Et tout en suivant au jardin le vieux juge de paix, il adressait au portrait de la bonbonnière la confidence de son déplaisir et de son désappointement. « Peste soin !» lui disait-il. « Peste soin du vieux cachotier ! Nous ne tirerons rien par surprise de cet entêté. Il nous donnera le mot de son rébus quand nous l'aurons deviné, pas avant. Il est aussi fort que nous, ma mignonne. Il ne lui manque absolument qu'un peu de pratique. Cependant, vois-tu, pour qu'il ait trouvé ce qui nous échappe, il faut qu'il ait eu des indices antérieurs que nous ne connaissons pas. » Au jardin, rien n'avait été dérangé. « Tenez, monsieur Lecoq, » disait le vieux juge de paix, en suivant une des allées en demi-cercle conduisant à la Seine. « Tenez, c'est ici, à cet endroit du gazon, qu'on a trouvé une des pantoufles de ce pauvre comte. Là-bas, un peu à droite de cette corbeille de géranium, était son foulard. » Ils arrivèrent au bord de la rivière et relevèrent avec beaucoup de circonspection les planches qu'avait fait placer le maire pour laisser les empreintes intactes. « Nous supposons, dit le père Plantin, que la comtesse ayant réussi à s'échapper a pu fuir jusqu'ici, et que c'est ici qu'elle a été rejointe et frappée d'un dernier coup. Était-ce là l'avis du vieux juge? Ne faisait-il que traduire l'impression du matin? C'est ce que monsieur Lecoq ne put deviner. « D'après nos calculs, monsieur, reprit-il, la comtesse n'a pas dû fuir. Elle a dû être apportée ici morte, où la logique n'est pas la logique. Au surplus, examinons. » Il s'agenouilla alors, comme là-haut, dans la chambre du second étage, et, plus scrupuleusement encore, il étudia successivement le sable de l'allée, l'eau stagnante et les touffes de plantes aquatiques. Puis, remontant un peu, il prit une pierre qu'il lança, s'approchant aussitôt pour voir l'effet produit par la vase. Il regagna ensuite le perron de l'habitation et revint sous les saules, en traversant le gazon où étaient encore très nettes et très visibles les traces d'un fardeau traîné, relevé le matin. Sans le moindre égard pour son pantalon, il traversa la pelouse à quatre pattes, interrogeant les moindres brins d'herbe, écartant les touffes épaisses pour mieux voir le sol, observant minutieusement la direction des petites tiges brisées. Cette inspection terminée. « Nos déductions s'affirment, dit-il. On a apporté la comtesse ici. « En êtes-vous bien certain ? » demanda le père Plantin. Il n'y avait pas à s'y tromper cette fois. Évidemment, sur ce point, le vieux juge était indécis, et il demandait une autre opinion que la sienne, fixant ses hésitations. « Il n'y a pas d'erreur possible, » répondit l'agent de la sûreté. Et souriant finement, il ajouta. « Seulement, comme deux avis valent mieux qu'un, je vous demanderai, monsieur le juge, de m'écouter. Vous me direz ce que vous pensez après. » Dans ses perquisitions, monsieur Lecoq avait trouvé à terre une petite baguette flexible. Et tout en parlant, il s'en servait pour indiquer les objets, à la façon des saltimbanques qui montrent sur les tableaux de leur baraque la représentation des merveilles qu'on voit à l'intérieur. « Non, disait-il, non, monsieur le juge de paix. Madame de Trémorel n'a pas fui. Frappée ici, elle serait tombée avec une certaine violence. Son poids, par conséquent, eût fait jaillir de l'eau assez loin, et non seulement de l'eau, mais encore de la vase, et nous retrouverions certainement quelques éclaboussures. « Mais ne pensez-vous pas que depuis ce matin, le soleil ?»« Le soleil, monsieur, aurait absorbé l'eau, mais la tache de boue sèche serait restée. Or, j'ai beau regarder un à un, pour ainsi dire, tous les cailloux de l'allée, je n'ai rien trouvé. On pourrait m'objecter que c'est de droite et de gauche que l'eau et la vase ont jailli. Moi, je réponds, examinez ces touffes de glaïeul, ces feuilles de nénuphar, ces tiges de jonc. Sur toutes ces plantes, vous trouvez une couche de poussière très légère, je le sais, mais enfin de la poussière. » « Apercevez-vous la trace d'une seule goutte d'eau ? Non. C'est qu'il n'y a point eu jaillissement, par conséquent, pas de chute violente. C'est donc que la comtesse n'a pas été tuée ici. C'est donc qu'on a apporté son cadavre et qu'on l'a déposé doucement où vous l'avez retrouvé. » Le père Plantin ne paraissait pas encore absolument convaincu. « Mais ces traces de lutte sur le sable, là, dit-il. » Monsieur Lecoq eut un joli geste de prostration. « Monsieur le juge de paix daigne sans doute plaisanter, répondit-il. Ces marques-là ne tromperaient pas un lycéen. » « Il me semble cependant, il n'y a pas à s'y tromper, monsieur, que le sable a été remué, fouillé, c'est positif. Mais toutes ces traînées qui mettaient à nu le sol qui recouvrait le sable ont été faites par le même pied. Cela, vous ne le croyez peut-être pas. Et de plus, faites uniquement avec le bout du pied. Et cela, vous pouvez le remarquer. Oui, cela, en effet, je le reconnais. Eh bien, monsieur, quand il y a eu lutte sur un terrain favorable aux investigations, comme celui-ci, on relève deux sortes de vestiges fort distincts, ceux de l'assaillant et ceux de la victime. L'assaillant qui se précipite en avant s'appuie nécessairement sur la partie antérieure du pied et l'imprime sur la terre. La victime, au contraire, qui se débat, qui cherche à se débarrasser d'une étreinte fatale, fait son effort en arrière, s'arc-boute sur les talons et moule par conséquent les talons dans le sol. Si les adversaires sont de force égale, on trouve en nombre à peu près égal les empreintes de bout de pied et de talons, selon les hasards de la lutte. Ici, que trouvons-nous ? Le père Plantat interrompit l'agent de la sûreté. « Assez, monsieur, lui dit-il. Assez. L'homme le plus incrédule serait maintenant convaincu. » Et après un instant de méditation, répondant à sa pensée intime, il ajouta. « Non, il n'y a plus. Il ne peut plus y avoir d'objection. » Monsieur Lecoq, de son côté, pensa que sa démonstration valait bien une récompense. Et triomphalement, il avala un carré de réglisse. « Je n'ai cependant pas encore fini, reprit-il. Nous disons donc que la comtesse n'a pu être achevée ici. J'ajouterai, elle n'y a pas été portée, mais traînée. La constatation est aisée. Il n'est que deux façons de traîner un cadavre. Par les épaules, et alors les deux pieds traînant à terre laissent deux sillons parallèles. Par les jambes, et alors la tête, portant sur le sol, laisse une empreinte unique et assez large. Le père Plantat approuva d'un mouvement de tête. En examinant le gazon, poursuivit l'agent de la sûreté, j'ai relevé les sillons parallèles des pieds. Mais l'herbe était foulée sur un espace assez large. Pourquoi ? C'est que ce n'est pas le cadavre d'un homme qui a été traîné à travers la pelouse, mais bien celui d'une femme tout habillée, et dont les jupons étaient assez lourds, celui de la comtesse enfin, et non celui du comte. Monsieur Lecoq s'interrompit, attendant un éloge, une question, un mot. Mais le vieux juge de paix n'avait plus l'air de l'écouter, et paraissait plongé dans les calculs les plus abstraits. La nuit tombait. Un brouillard léger comme la fumée d'un feu de paille se balançait au-dessus de la Seine. « Il faut rentrer !» dit tout à coup le père Plantat. « Allez voir où le docteur en est de l'autopsie. » Et lentement, l'agent de police et lui, ils regagnèrent la maison. Sur le perron se tenait le juge d'instruction, qui s'apprêtait à aller à leur rencontre. Il tenait sous son bras sa grande serviette de chagrin violet, timbrée à ses initiales, et avait repris son léger par-dessus d'Orléans noir. Il avait l'air satisfait. « Je vais vous laisser le maître, monsieur le juge de paix, dit-il au père Plantat. Il est indispensable. Si je veux voir ce soir monsieur le procureur impérial, que je parte à l'instant. Déjà ce matin, lorsque vous m'avez envoyé chercher, il était absent. » Le père Plantat s'inclina. « Je vous serai fort obligé, continua monsieur Domini, de surveiller la fin de l'opération. Le docteur Gendron n'en a plus, vient-il de me dire, que pour quelques minutes, et j'aurai ses notes demain matin. Je compte sur votre bonne obligeance pour mettre les scellés partout où besoin est, et aussi pour constituer les gardiens. Je me propose d'envoyer un architecte relever le plan exact de la maison et du jardin. Puis, remarqua le vieux juge de paix, il faudra sans doute un supplément d'instruction. « Je ne le pense pas !» fit le juge d'instruction d'un ton de certitude. Puis, s'adressant à M. Lecoq, « Eh bien, monsieur l'agent, demanda-t-il, avez-vous fait quelques découvertes nouvelles ?»« J'ai relevé plusieurs faits importants, » répondit M. Lecoq, « mais je ne puis me prononcer avant d'avoir encore vu là-haut au jour. Je demanderai donc à monsieur le juge d'instruction la permission de ne lui présenter mon rapport que demain dans l'après-midi. Je crois pouvoir répondre d'ailleurs que si embrouillée que soit cette affaire, M. Domini ne le laissa pas achever. « Mais, interrompit-il, je ne vois rien d'embrouillé dans cette affaire, tout me paraît au contraire fort clair. Cependant, objecta M. Lecoq, je pensais, « Je regrette vraiment, poursuivit le juge d'instruction, qu'on vous ait appelé avec trop de précipitation et sans grande nécessité. J'ai maintenant, contre les deux hommes que j'ai fait arrêter, les charges les plus concluantes. » Le père Plantat et M. Lecoq échangèrent un long regard, trahissant leur surprise profonde. « Quoi ?» ne put s'empêcher de dire le vieux juge de paix. « Vous auriez, monsieur, recueilli des indices nouveaux ?»« Mieux que des indices, je crois, » répondit M. Domini, avec un plissement de lèvres de fâcheuse augure. « La ripaille, que j'ai interrogée une seconde fois, commence à se troubler. Il a perdu tout à fait son arrogance. J'ai réussi à le faire se couper à plusieurs reprises. Et il a fini par m'avouer qu'il a vu les assassins. « Les assassins ?» exclama le père Plantat. « Il a dit les assassins. Il a vu au moins l'un d'entre eux. Il persiste à me jurer qu'il ne l'a pas reconnu. Voilà où nous en sommes. Mais les ténèbres de la prison ont des terreurs salutaires. Demain, après une nuit d'insomnie, mon homme, j'en suis persuadé, sera bien autrement explicite. « Mais, Gaspin ?» interrogea anxieusement le vieux juge. « Avez-vous de nouveau questionné Gaspin ?»« « Oh !» fit M. Domini. « Pour ce qui est de celui-là, tout est dit. »« Il a avoué ?» demanda M. Lecoq, stupéfié. Le juge d'instruction se tourna à demi vers l'homme de la police, comme s'il eût trouvé mauvais qu'il osât le questionner. « Gaspard n'a rien avoué !» répondit-il néanmoins. « Mais sa cause n'en est pas meilleure. Nos bateliers sont revenus. Ils n'ont pas encore retrouvé le cadavre de M. de Trémorel, qui suppose avoir été entraîné par le courant. Mais ils ont repêché d'abord, au bout du parc, dans les roseaux, l'autre pantoufle du comte. Puis, au milieu de la Seine, sous le pont, remarquez bien ce détail, sous le pont, une veste de drap grossier, qui porte encore des traces de sang. Et cette veste est à Gaspard ? Demandèrent ensemble le vieux juge de paix et l'agent de la sûreté. Précisément, elle a été reconnue par tous les gens du château, et Gaspard a avoué sans difficulté qu'elle lui appartient. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Domini s'arrêta, comme pour reprendre haleine. En réalité, pour faire languir un peu le père Plantat. Par suite de leur divergence d'opinion, il avait cru reconnaître en lui une certaine hostilité sourde et, la faiblesse humaine ne perdant jamais ses droits, il n'était pas fâché de triompher un peu. « Ce n'est pas tout, » poursuivit-il. « Cette veste avait à la poche droite une large déchirure et un morceau de l'étoffe avait été arraché. Ce lambeau de la veste de Gaspin, savez-vous ce qu'il était devenu ?»« Ah !» murmura le père Plantat. « C'est lui que nous avons retrouvé dans la main de la comtesse. Vous l'avez dit, monsieur le juge de paix. Que pensez-vous, je vous prie, de cette preuve de culpabilité du prévenu ?» Le père Plantat semblait consterné. Les bras lui tombaient. Quant à monsieur Lecoq, qui, devant le juge d'instruction, avait repris sévèrement son attitude de mercier retiré, il fut à ce point surpris qu'il faillit s'étrangler avec un morceau de pâte. « Mille diables !» disait-il tout en toussant. « Réparation d'honneur, voilà qui est fort !» Il eut un sourire niais et ajouta plus bas et pour le seul père Plantat. « Très fort, quoique du même tonneau et prévu par nos calculs. » La comtesse tenait entre ses doigts crispés un lambeau de drap. Donc, il a dû être placé là intentionnellement par les meurtriers. M. Domini n'avait pas relevé l'exclamation. Il n'entendit pas la réflexion de M. Lecoq. Il tendit la main au père Plantat et lui donna rendez-vous pour le lendemain au palais. Puis il sortit, emmenant son greffier. Gaspin et le vieux Laripaille, les menottes aux mains, avaient été, quelques minutes plus tôt, dirigés sur la prison de Corbeil, sous la conduite des gendarmes d'Orcival. Fin du chapitre 7.